Les erreurs de mes proches sont plus dures à encaisser. Et là je comprends les doutes que mes parents ont dû essuyer. Mes gestes trahissaient mes pensées. Peur de dire ce que je ressens, je m'enfonçais dans l'obscurité. Pris en main par nos êtres chers. Eux aussi nostalgiques regrettent leur vie éphémère. Nous comble de ce qui leur manquait. Nous offre l'utile allié à la futilité. Mais tout ça, on en prend conscience. Que vos serments et vos morales ont eu un sens. J'en ai tiré des enseignements précieux. Que j'étale sur un ton pédant et acrimonieux. Elles m'ont taillé tel que l'on me connaît saphir. C'est d'un homme qui vous dit j'ai honte et merci. Fier de mon éducation et de ce que je suis. Un papa, un vrai lion de la classe, de la tribu, yayaoui. Je m'incline plein d'humilité devant la sagesse de mon père et ma mère avec sa dignité. Je me dévoue à vous rendre heureux, à défaut de me pouvoir vous dire je t'aime droit dans les yeux. Je m'incline plein d'humilité devant la sagesse de mon père et ma mère avec sa dignité. Je me dévoue à vous rendre heureux, à défaut de me pouvoir vous dire je t'aime droit dans les yeux. Les années passent et des larmes de joie coulent. D'avoir un père formidable et une vraie maman poule. Quelquefois je m'éternise dans mes souvenirs. Sur la route à écouter Brel, Santana et Blondie. Tes imitations le soir pendant les repas me font sourire la nuit quelquefois. J'en place une pour mon grand-père Ali, pour qui je porte un amour indicible. Une autre pour ma grand-mère Hanna. Smihiliya et la magdach n'aït l'gdima. Une dernière pour ma famille maternelle. Je vous adresse à tous un véritable amour éternel. Une musique ne me suffit pas pour tout vous dire. Je laisse un voile de mystère planer sur mes prochains tirs. À mon frère et mes sœurs, la dernière est pour vous. N'oubliez jamais à qui l'on se dévoue. Je m'incline plein d'humilité devant la sagesse de mon père et ma mère avec sa dignité. Je me dévoue à vous rendre heureux, à défaut de me pouvoir vous dire je t'aime droit dans les yeux. Je m'incline plein d'humilité devant la sagesse de mon père et ma mère avec sa dignité. Je me dévoue à vous rendre heureux, à défaut de me pouvoir vous dire je t'aime droit dans les yeux. Maman, écoute ce que je vais te dire. Avant tout je t'aime, je me dis merci. Je suis désolé pour tous les larmes, les trahisons et les déceptions avant tout. Je te promets à toi et à papa un repos bien mérité. Je vous comblerai d'amour et de fierté. Père, tends l'oreille et sois attentif à ce qu'a à dire ton fils. En toi je connais l'ami, le frère et le père. Je regrette tes mises en garde à n'en savoir que faire. Je finirai mon son par un souhait, celui d'élever mes enfants aussi bien que vous l'avez fait. Soyez fiers de votre sang qui coule en nous. Je laisserai l'instru finir par un soupir qui dit tout. Je m'incline plein d'humilité devant la sagesse de mon père et ma mère avec sa dignité. Je me dévoue à vous rendre heureux, à défaut de me pouvoir vous dire je t'aime droit dans les yeux. Je m'incline plein d'humilité devant la sagesse de mon père et ma mère avec sa dignité. Je me dévoue à vous rendre heureux, à défaut de me voir vous dire je t'aime droit dans les yeux.